Les petites histoires de Tell Me. L'inquiétant remplaçant. J'aimais bien Monsieur Girard. Toute la classe l'adorait. Avec lui, on avait envie de se lever le matin pour courir à l'école. Sauf qu'un jour, il est parti, à l'autre bout du monde. Alors, ce matin-là, nous, les élèves de CE2B, on se sentait bizarre, un peu triste et inquiet aussi. On ne savait rien de son remplaçant. En plus, on est resté une éternité dans la cour à chuchoter et imaginer des tas de choses. Puis le directeur est arrivé, accompagné de Frédéric, le surveillant. Monsieur Atroce avait du retard. Frédéric allait nous garder. Notre nouveau maître se nommait Atroce. Quel nom ! Pendant qu'on l'attendait, Frédéric a tenté de nous rassurer. Pour lui, les noms ne voulaient rien dire. Mais pile à ce moment, des bruits de pas ont résonné dans le couloir. Un énorme nuage est passé devant le soleil. Puis, la porte s'est ouverte très lentement en grinçant. Une ombre cauchemardesque s'est étirée, avant de laisser apparaître tout le contraire de ce que l'on imaginait. Un jeune homme, grand et fin. Ses lunettes vissées sur le nez masquaient des yeux cernés. Il portait un pull marron triste, tout bouloché, un pantalon en velours vert usé et des mocassins noirs mous, tout fatigué. Il avait l'air timide, presque gêné de nous déranger. Frédéric est allé le saluer et on s'est retrouvé seul avec le professeur Atroce. Un léger murmure parcourut la classe. « Taisez-vous !» Sa voix avait changé. Elle était si inquiétante que mes doigts de pied se crispèrent dans mes baskets. Plus un souffle dans la classe. Monsieur Atroce a souri. Un sourire qui n'annonçait rien de bon. Il se planta sur l'estrade, droit comme un i, les mains dans le dos. On osait à peine respirer. D'un coup, il brisa le silence. « Passe-moi la pelle, toi !» Il pointa Kofi au premier rang. « Prénom ?» Kofi avait l'air d'un lapin pris dans les phares d'une voiture. Manon, notre délégué, voulut voler à son secours. Mais un truc incroyable s'est produit. Un carnet apparut dans la main d'Atroce. Ses pages tournaient toutes seules. Il pointa vers Manon un index rageur. « Tais-toi donc !» D'un coup, Manon était muette. Atroce nous prévint alors avec un sourire plein de dents bien trop pointues. « Vous n'aurez la parole que si je vous la donne, compris ?» On hocha tous la tête sans dire un mot. Satisfait, le sorcier s'approcha de Kofi qui tremblait comme une feuille. « Ton prénom ?»« Co-co-co-co-co-co-co. Ne fais pas ta poule mouillée !» Les pages de son carnet tournèrent à nouveau. « Mutomouf !» Kofi se changea en poulet. Un vrai poulet, hein, avec un bec et des plumes. On était tous aussi effarés qu'effrayés, sauf Roman, qui lâcha un petit rire. Atroce fonça vers elle comme une chouette sur un mulot. « Ça vous fait rire ?» On voyait tous qu'elle essayait de pas trembler. Elle essayait même de soutenir son regard, mais les pages du carnet tournèrent et « Fixe au fru !» Roman devint une statue. Elle avait du cran. Elle restera de marbre maintenant. Le cauchemar continua toute la matinée. Il passait d'une victime à une autre. Parfois, il consultait une sorte de thermomètre. La jauge montait. Atroce avait un sourire satisfait. Presque toute la classe était passée. On n'était plus que trois, puis deux. Puis j'étais seul face à notre bourreau. La cloche sonna. Atroce eut un sourire crispé. Il ferma son carnet en sifflant. « Annule tout !» Son carnet disparut, tout le monde redevint normal. « On recommence après, mes petits. Et surtout, pas un mot, sinon vous allez le regretter. » En bas, on ne parlait que de lui. Les sorciers, la magie, ça existait. Sauf qu'on avait tiré le pire des numéros. Avec ces menaces, impossible de prévenir qui que ce soit. Mais comment s'en débarrasser? Il devait bien avoir un point faible. Mais lequel? Pas le temps de le trouver, la cloche nous rappelait déjà. On s'assit dans un silence de mort. Atroce m'appela à son bureau. J'approchais, la tête baissée, les poings serrés pour ne pas trembler. Il m'observa une éternité de secondes avec un sourire mauvais. Son carnet apparut. Ses pages tournèrent, il pointa son index à 1 centimètre de mon nez. « Chapimouf !» Je fermai les yeux. L'étonnement des copains et leurs murmures me surprirent. Quand je rouvris les paupières, Atroce avait une face de troll constipé. J'étais toujours moi-même. Il répéta sa formule « à rien ». Il me regarda, fixa son index, puis examina son carnet. Il avait l'air si perdu qu'il faisait de la peine. « Tout va bien, monsieur Atroce ?»« M'en nul !» ricana Manon. Un rire se propagea dans toute la classe. Atroce bondit de sa chaise. « Taisez-vous !» L'émotion fit dérailler sa voix. Un fou rire géant envahit la classe. « T'étouffes !» Silence. Les pages du carnet n'avaient pas bougé. Atroce était là. L'index pointé sur la classe comme une vieille saucisse. Les rires redoublèrent. Vert de peur, le professeur sortit son thermomètre, qu'il lâcha horrifié. La jauge descendait à vue d'œil. Quand elle fut à zéro, un curieux monsieur, tout en rondeur et en sourire, apparut à côté du remplaçant. Il consultait un carnet en mâchonnant un crayon et en marmonnant. « Quel dommage, Atroce ! Vous étiez à ça de réussir l'examen !» Notre professeur s'effondra en pleurs. Nous, on était plus que super étonnés. On échangeait des regards en clignant des yeux. Le monsieur rondouillard aida Atroce à se relever. « Allons, allons! Se nourrir des peurs des enfants, c'est très compliqué! Il y en a toujours qui rigolent pour un rien, pas vrai ?» Il lança un clin d'œil à Manon qui en tomba de sa chaise. « Rentrons maintenant !» Aussi brusquement que le gros monsieur était apparu, ils avaient disparu. Nous, on est restés un moment dans notre classe, seuls, pas vraiment sûrs de ce qu'on venait de vivre. Puis Manon s'est décidée à aller chercher le directeur pour lui dire que Monsieur Atroce était parti sans rien dire, et qu'il nous fallait un nouveau professeur. C'était une petite histoire de Telmi. Écrite par Mathieu Jonel et racontée par Arnaud Guillou. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur iTunes, ça nous fera vraiment plaisir. Chaque jeudi, nous vous racontons une nouvelle histoire. Alors pour ne pas la rater, abonnez-vous au podcast. À la semaine prochaine.